Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 15 courant son message de félicitations au président congolais Denis Sassou Nguesso à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du pays, fête nationale des Congolais. Il a souhaité au gouvernement et au peuple congolais amicaux de grands succès dans la lutte pour l'édification d'une société nouvelle sous la direction de leur président et exprime la certitude que se développeront d'un cran les rapports d'amitié et de coopération bilatéraux.